Les agences de presse, journaux, télévisions, télévisions d'Internet et agences de presse d'Internet de divers pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde, le Japon, l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne ont rapporté le 11 l'avertissement important du département d'artillerie de l'état-major général de l'armée populaire de Corée. Nous ne tolérerons jamais toutes les violations de la paix et de la sécurité de notre République.